Je m'évade dans mes pensées. Je vis des moments difficiles. Mon avenir est embrouillé. Depuis que mon destin dérive, je dois partir. Il faut que je déménage. J'aimerais mieux fuir avec ou sans bagage. Je serai très fort sans le moindre effort. Prisonnier de mes remords, changer bien des corps. Elle m'amène loin ailleurs. Ne peut nous suivre loin, loin de cette demeure où j'ai peine à vivre. Je dois partir, il faut que je déménage. J'aimerais mieux fuir avec ou sans bagage. Te serrer très fort sans le moindre effort. Prisonnier de mes remords, changer bien le décor. Ce que je vis, c'est de la rage et ça fait mal. J'étais sur un nuage quand j'ai éteint une âme. Je suis frappe pour me dire j'ai juste une vie à vivre. Aide-moi à me retrouver, aide-moi à te suivre. Je dois partir, il faut que je déménage. J'aimerais mieux fuir avec ou sans bagage. Te serrer très fort sans le moindre effort. Prisonnier de mes remords, change bien des corps. Moindre